إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours dans l'explication de Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, c'est un livre de hadith au sujet des règles des ahkam, c'est-à-dire que ce qu'on appelle al-ahkam, les règles de la charia. Et donc, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. On sait que, il y a divers recueils de hadiths. Il y a les 40 hadiths, par exemple, de l'imam al-Nawawi. Et c'est des hadiths généraux. Des hadiths généraux qui traitent de toutes sortes de différents sujets dans l'islam. Il y a les hadiths comme par exemple les Sahih, Al-Sahihan, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et c'est des hadiths qui contiennent différents chapitres et différents sujets. Ça peut parler de l'aqida, ça peut parler de l'iman, ça peut parler de, des questions de fiqh. Et tous les aspects de la religion sont inclus dedans. Le sujet, les livres comme Umdatul Ahkam, il y en a plusieurs. C'est des livres qui ne rapportent les hadiths que les hadiths qui ont rapport avec les règles de fiqh seulement. Tu ne vas pas trouver d'autres sujets dedans, pas d'autres questions, d'autres chapitres. C'est seulement les questions du fiqh. Et il y a comme des livres comme Bulugh al-Maram, Bulugh al-Maram qui est un livre écrit par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui rapporte les hadiths sur les règles du fiqh aussi. Puis il y a aussi d'autres livres comme ça aussi, Al-Muntaqa al-Akhbar, du grand-père de l'imam Ibn Taymiyyah. Il a écrit un livre de hadith sur les règles des aspects de la charia. Et puis ce livre-là, il a été expliqué par l'imam al-Shawkani. Le livre du grand-père d'Ibn Taymiyyah, Al-Muntaqa, il a été expliqué par l'imam al-Shawkani du Yémen. Et il s'appelle, le charh s'appelle Nailul Awtar. Nailul Awtar, c'est un charh de Muntaqa al-Akhbar. Et il y a aussi, il y a d'autres livres, j'ai oublié les titres, mais il y en a plusieurs livres de ce genre-là. Et certains sont plus connus que d'autres. Ben, Umdatul Ahkam fait partie de cette catégorie-là. Et c'est un tout petit livre. Je pense qu'il y en a plein de versions de ce livre-là qui ont été publiées par différentes maisons d'édition et qui sont même publiées en livre de poche. Et vous allez les trouver, par exemple, en format poche. Tu les mets dans ta poche, tu peux les mémoriser. Tu t'assois avec quelque part, tu commences à les mémoriser, tu peux les lire et les mémoriser facilement. D'accord ? Donc, les Tullab Ilm, ils font beaucoup d'efforts pour lire ce livre-là, puis de mémoriser les hadiths qu'il y a dedans. Parce qu'il y a des hadiths sur chaque chapitre. Et une des particularités de ce livre-là, c'est que c'est des hadiths qui sont uniquement tirés de Al-Bukhari et Muslim. Donc, tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est authentique ou non. Tu es sûr que c'est authentique. Parce que c'est uniquement tiré des deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Naam. Donc, j'en ai un justement dans ma poche là-bas, dans mon manteau. Je vais le prendre pour le montrer. Naam. Il n'y a pas d'aqidah, il n'y a pas de manhaj dedans, en détail, non. C'est que le fiqh. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Kitab al-Salat, le livre de la salat. Okay. Après, Kitab al-Zakat, les hadiths sur la zakat. Kitab al-Siyam, Kitab al-Hajj, Kitab al-Buyu', Kitab al-Wasaya, al-Fara'id, al-Nikah, al-Talaq, al-La'an. الرضاع القصاص الحدود الأيمان والنذور الأطعمة الأشربة اللباس الجهاد العتق. Donc ça c'est des exemples de sujets qui sont dans ce livre. Et donc c'est ça, c'est les chapitres qui ont rapport avec le fiqh. OK, mais c'est pas tous les hadiths sur le fiqh qui sont réunis. C'est, disons, certains hadiths qui sont parmi les plus importants et qui renferment des règles sur les différentes questions. Ok, donc c'est ce livre-là qu'on va lire ensemble, puis on va essayer de comprendre les différents hadiths et les différents sujets. Ouais, on commence aujourd'hui. Tu vois, on va commencer par la biographie de l'imam qui l'a écrit ce livre. Le livre, c'est-à-dire le livre de Al-Umdatul Ahkam, il est écrit par qui? Il est écrit par l'imam Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Al-imam Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Umdatul Ahkam, je l'ai écrit sur le tableau. Pour le dimanche là. Explication de Umdatul Ahkam le dimanche. Ouais, c'est Umdatul Ahkam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Al-Maqdisi Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Maqdisi. Ça veut dire qu'il vient de Beit al-Maqdis, exactement. Il vient de la Palestine, oui. Donc, donc c'est un grand savant parmi les ulama. Et on va lire sa biographie rapidement, c'est un résumé. هذه الترجمة للمؤلف لسخناها من طبقات الحافظ ابن رجب فإنه قد أطال في ترجمته. يهديكم الله ويصلح بالك. اوكي دونك الإمام ابن رجب رحمه الله دونك il a fait une biographie de ce شيخ. Et l'auteur de ce charh ici, bien le muhaqqiq, il a fait un résumé de cette biographie là. Donc نحن نلخص ما يكفي للقارئ للاطلاع على شيء من حياته ومنزله وآثاره. Donc le cheikh il dit on va vous faire un petit résumé de sa vie, de son degré dans la science et يعني de ce qu'il a laissé comme trace. Il dit, هو الشيخ عبد الغني عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا. Bon, il vient d'une ville qui s'appelle Jamma'il, je ne sais pas où c'est, demandez-moi pas, il faudrait faire une recherche pour vérifier où est-ce que ça se trouve. Mais il s'est installé à Beit al-Maqdis par la suite, donc on l'a appelé al-Maqdisi. Okay. Et il est Hanbali. Son madhhab, c'est le madhhab al-Hanbali, le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Okay. So, il y a aussi un grand imam que vous connaissez sûrement, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. C'est un des plus grands savants du madhhab Hanbali et c'est lui qui est l'auteur de Umdatul Fiqh et de Al-Kafi et aussi de. L'autre livre qu'il a écrit aussi, Umdatul Fiqh, Al-Kafi, et il a écrit aussi le grand livre Al-Mughni, Al-Mughni, ça c'est un livre vraiment élaboré sur le fiqh. Donc c'est des gens qui sont yani de ce madhab. Ok, Wulida Am 541. Il est né en 541 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça correspond à quoi? Je sais pas. Je vous dirai ça après. Donc en 541. Wa kana sinnuhu fi sinn al-imam al-mashhur al-Muwaffaq ibn Qudama. Donc il était de la même âge que l'imam al-Muwaffaq ibn Qudama, celui dont je vous parle, ibn Qudama al-Maqdisi. Wa baynahuma suhbatun wa zamalatun fi ad-dirasa. Entre les deux, il y a eu une amitié. Et même, ils étaient des compagnons dans l'étude et dans l'apprentissage de l'islam. Illa anna al-muwaffaq yamilu ila al-fiqh wa al-mu'allif yamilu ila al-hadith. Sauf que la différence entre les deux, c'est que Ibn Qudama, al-muwaffaq Ibn Qudama al-Maqdisi, il penche plus vers le fiqh, tandis que lui, Abdul Ghani, il penche plus vers le hadith. Vous voyez, ces deux compagnons, ils ont étudié la science ensemble. Hein, sauf qu'un est plus penché vers le fiqh et l'autre, celui-là, plus vers le hadith. Donc c'est deux grands ulama, deux grands imams. Il dit Rahala jami'an ila Baghdad li talab al-ilm. Les deux ont voyagé vers Baghdad pour apprendre la science. Falaqiya biha afadil al-ulama. Ils ont rencontré à Baghdad des grands savants, très nobles, yani, très grands, très méritoires. فأخذا عنهم. Ils ont pris tous les deux de ces savants là. ومن مشايخهما في بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن المني. Donc parmi leurs chouyours qu'ils ont eu à Bagdad, le Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani et Ibn al-Munni ou Ibn al-Manni. Naam. Et Ibn al-Athir a dit à propos de Ibn al-Munni, son nom c'est Nasr ibn Futyan ibn al-Munni ou ibn al-Minni. Ibn al-Athir a dit à son sujet: Lam yakun fil hanabilati lahu nadirun fi zamanihi. C'est-à-dire, celui-là, Ibn al-Munni, Ibn al-Athir a dit: il n'y avait pas personne équivalent à lui parmi les Hanabila de son époque. Il est mort en 583. Donc Ibn al-Munni, c'était de ses chouyours. Imaginez. Subhanallah, c'était une autre époque. Hein? Après, il dit: وكان المترجم له رحمه الله يعني جوالا في طلب العلم. وكان المترجم له عفوا. وكان المترجم له رحمه الله. Vous voyez, si on dit مترجم, ça veut dire celui qui a donné celui qui a fait sa biographie. C'est-à-dire, mutarjim, c'est celui qui fait. Et le mutarjam, c'est celui de qui on fait la biographie. Donc, le mutarjim, ça a un sens, mutarjam, ça a un autre sens. C'est pour ça, des fois, tu vois, si on fait pas attention, on voit que ça fait pas de sens. Donc, quand j'ai dit, wa kana al-mutarjim lahu, j'ai vu que ça fait pas de sens parce que ça tient pas dans la phrase. Donc c'est al-mutarjam, on parle de la personne de qui on est en train de faire la biographie. Oui, c'est ça, mais c'est une des formes parmi lesquelles le fait que tu changes ici, c'est à cet endroit-là, soit tu mets une fatha ou une kasra, ça va changer, soit que ça va être maf'oul, soit que ça va être fa'il. Hein? Soit que ça va être l'objet ou le sujet. Oui, non, ça c'est qu'est-ce qui ça a rapport avec as-sarf. Al-nahu, c'est quand tu changes la dernière haraka du mot. Mais as-sarf, c'est quand tu changes les harakats à l'intérieur du mot. Selon des formes, selon un pattern, qu'est-ce qu'on appelle al-wazn ou al-awzan, c'est ça qui va faire changer la signification aussi du mot. Et subhanallah. Et نعم اللغه العربيه اي نعم جميله ما شاء الله. OK, وكان المترجم له رحمه الله جوالا في طلب العلم رحالا اليه. C'est-à-dire la personne de qui on est en train de faire la biographie, l'imam Al-Hafiz Abdul Ghani, il aimait se promener et aller loin pour chercher la science. Il allait partout, il voyageait tout le temps pour chercher la science. Rahalan ilayhi, il faisait des longs voyages pour aller chercher la science. Fadakhala Misr, il est rentré en Égypte. Summa Asbahan, il est allé à Asbahan. Asbahan, c'est en Iran. Summa raja'a ila Dimashq, puis il est revenu à Damas. Walaqiya fi hadhihi al-bilad kibar al-ulama, il a rencontré dans ces pays-là les grands ulama de ces endroits-là. Faqara'a alayhim, il a lu avec eux. Wa akhadha anhum, il a pris d'eux la science. Wa bahathahum, il les a cherchés. Wa bahathahum. فلما استقر به التيسار في دمشق عكف على التدريس. Donc là, lorsqu'il s'est installé, il est arrivé à Damas, il a commencé à enseigner والتأليف والنصر والعبادة. Il a commencé l'étude, l'écriture et l'adoration et yani, toutes ces choses-là. Il s'est installé, il a dit ça y est, j'ai cherché la science maintenant, ça y est, je m'installe, je commence à faire des cours, je commence à écrire, hein, et ainsi de suite. Non, à Damas à la fin. Yani, à Damas, en fait, c'est à Baitul Maqdis, yani, c'est dans ce Hacham, yani, Hacham. Thumma dhakara Ibn Rajab, thana al-ulama alayhi. Ensuite, Ibn Rajab a mentionné qu'est-ce que les savants ont dit de lui comme éloge. وحفظه لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى لقبه بأمير المؤمنين في الحديث. Donc Ibn Rajab a mentionné les éloges des savants à son sujet et comment il mémorisait les livres de hadith, les textes de hadith et même les chaînes de transmission. Donc lui mémorisait les hadiths et les chaînes de transmission qui sont avec en même temps, et à un point tel qu'il l'a même nommé le prince des croyants dans le hadith, yani le chef, hein, le chef des croyants dans le hadith. Donc c'est ça, le cheikh Ibn Rajab, il a mentionné ses shuyukh, ses élèves, ses livres, ses fatawa, hein. Donc celui qui veut lire les détails de ça, il peut lire la biographie que Ibn Rajab a écrit à son sujet. ثم وصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة لاقتفائه آثار السلف الصالح. Il dit ensuite, il l'a décrit par l'adoration et la piété et la bonne aqida, parce qu'il suivait les traces des salaf al-salih. Donc il était un imam salafi dans sa aqida, dans son manhaj, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Il a même un livre dans lequel on trouve sa aqida. Il défend la aqida de l'imam Ahmad, la aqida d'Ahl al-Sunnah. والجماعه العقيده دي سلف الصالح il refute les groupes et les gens de bid'a dedans. Mais je l'ai à la maison. Je pense que le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, le fils de cheikh Abdul Muhsin, il a fait le tahqiq de sa aqida. Non, il a fait le tahqiq. Donc il est publié, le livre il est publié et il existe donc. Sa aqida elle est là. Peut-être un jour on aura l'occasion de le lire, inshallah. Il dit thumma, ensuite qu'est-ce qu'il dit? Wa wasafahu al-muwaffaq bi annahu rafiquhu fi al-ibada. Fa qala ma kunna nastabiq ila al-khayr illa sabaqani ilayhi illa al-qalil. Tu vois, al-muwaffaq ibn Qudama, celui qui a écrit al-Mughni, qui était son compagnon, il a dit c'était mon compagnon dans l'adoration. Et il a dit, il n'y a pas quelque chose qu'on faisait vers le bien, excepté qu'il me dépassait dedans. Chaque fois qu'on faisait une compétition dans le bien, lui il me dépassait. C'est lui qui était le premier, sauf quelques petites affaires. De Abdul Ghani. Eh non, subhanallah. Eh non, imaginez donc, si lui il dit ça, alors on comprend, yani. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه عفوا لا تأخذه في الله لومة لائم. Donc il était quelqu'un qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal avec sa main, avec sa langue et avec son cœur. Et il n'avait de blâme, il n'acceptait le blâme d'aucun blâmeur, ou il ne craignait le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire, quand il faisait quelque chose pour Allah, il ordonnait le bien, il interdisait le mal, il craignait personne, sauf Allah. Et les blâmes et les critiques des gens, ça ne le dérangeait pas. Il craignait que Allah. Hein? Et il réfutait les gens de Bid'a, et il réfutait tous ceux qui contredisaient la religion d'Allah. ولذا حصل له أذية وعداوة من المبتدعين والضالين وهذا دأب المصلحين. Donc il dit, et c'est pour cette raison là que il a eu beaucoup de difficultés de la part des gens de bid'ah, des égarés, qui lui faisaient du trouble. Parce qu'il ordonnait le bien, il interdisait le mal, et il réfutait les bid'ah. Et ça, c'est quelque chose qui est habituel chez les gens, les réformateurs, et les gens qui appellent à l'islam et à la sunna. Ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes avec les gens de leur époque, les gens de bid'ah et les gens d'égarement. Pourquoi ? Parce qu'ils réfutent les égarements. Ça, c'est l'habitude. On va se faire oublier le karam. والإحسان إلى الناس والتواضع وحسن الخلق ومع هذا هيبته تملأ الصدور. Il dit, il l'a décrit par la générosité, la bonté envers les gens, l'humilité, le bon comportement, et malgré tout, dans tous ces cas-là, il avait le respect des gens, et les gens avaient beaucoup de respect pour lui dans leur cœur. ثم ذكر له من المصنفات ما يزيد على 40 كتابا منها الكبير ذوي الأجزاء العديدة ومنها الصغير الواقع في جزء. Donc il a mentionné que l'auteur, il avait plusieurs livres, il a écrit environ une quarantaine de livres et d'ouvrages, et certains d'entre ces livres là sont grands avec plusieurs volumes, et d'autres sont plus petits avec un seul volume. Et il dit كلها في تحقيق العلوم الشرعية والحديث من الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق وسير بعض الشخصيات الكبيرة. Donc c'est des livres, tous ces livres ça parle des sciences de la charia, du hadith, du tawhid, du fiqh, et toutes ces choses là. و كتابه الذي معنا العمدة يدل على حسن اختياره وجودة فهمه فالإنسان معروف باختياره. Donc le livre qu'on étudie maintenant, العمدة الأحكام, ça montre comment il choisissait, il faisait des bons choix. Comment il avait une bonne compréhension. Et donc, on reconnaît quelqu'un par ses choix. Et le cheikh, il dit ensuite, « توفي رحمه الله يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمية فبكاه الناس وأثنوا عليه. » سبحان الله. Donc, le cheikh, il est, comme j'ai dit au début, il est né en 541. Et il est mort en l'an 600. Ouais. Ouais. Non, c'est pas lui qui est mort en 583. Celui qui est mort en 583, c'est Al-Munni. Celui dont je vous ai parlé, que c'était un de ses deux chouyours à Bagdad. Il y avait Abdul Qadir al-Jilani, qui était un de ses chouyours, et Ibn al-Munni, qui était un de ses chouyours. Ibn al-Munni est mort en 583, tandis que Abdul Ghani al-Maqdisi est mort en l'an 600. À 59 ans, subhanallah. Le 23 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 600. Et les gens ont beaucoup pleuré et ils ont fait son éloge. Ouais, l'an 600. Ils ont écrit même des poèmes pour mentionner la tristesse qu'ils avaient lors de sa mort. Et ils étaient très très tristes de l'avoir perdu. Que Allah le fasse demeurer dans son paradis. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïna. Naam, c'est ça de la hijra. Il est né, donc, avant Ibn Taymiyyah. Pardon, il est mort quelques années avant la naissance de Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam. Oui, chaque fois qu'il y a un savant qui meurt, il y en a un autre qui vient après lui. Oui, non, donc, ça c'est la bio, pour la biographie, ok, de l'imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Ensuite, on va lire un charh. Et le charh qu'on a choisi, il y en a plusieurs, ok. Il y a plusieurs charhs de ce livre. Il y a celui qu'on va lire, c'est le charh de Al-Bassam. Al-Bassam. Son nom c'est Al-Allama, Sheikh Al-Allama Abdullah Ibn Abdul Rahman Ibn Salih Al-Bassam. Donc Abdullah Al-Bassam. Ça c'est son nom. C'est le charh du Sheikh Abdullah Al-Bassam qu'on va lire. Parce qu'il est simple, puis il est clair. Puis il y a d'autres chourouhs, comme par exemple le charh de Ibn al-Mulaqqin. Ibn al-Mulaqqin, c'est en plusieurs volumes. Il est disponible en PDF sur Internet, celui qui le veut. Le charh de Ibn al-Mulaqqin, il est disponible en plusieurs volumes. Ouais, charh al-Bassam. Al-Bassam. Vous savez, en Arabie Saoudite, il y a les foulards que portent les Saoudiens, rouge et blanc. On l'appelle les chimar. Nam chimar. Chimar. Nam shin, mim, alif, rein. Chimar. Et les plus connus, celui que les gens achètent le plus souvent, ou que j'ai vu que les gens aimaient plus, c'est le chimar al-Bassam. Donc c'est de cette famille, la famille al-Bassam. Ça a l'air que c'est une famille assez importante dans cette région-là. Ah ok, ben c'est ça. Al-Bassam, c'est, on va lire sa biographie, ben, pas tout au complet, mais juste un résumé. C'était un des élèves de l'imam al-Qara'awi et de Cheikh al-Sa'di aussi. Oui. Abdurrahman al-Sa'di, il a lu plusieurs de ses livres. Et il y a plusieurs chourouhs qui s'appellent al-Bassam aussi. Il y en a beaucoup. Ah oui, donc il y a beaucoup de Bassam qui sont des ulama. Je pensais pas qu'il y en avait autant. À l'époque, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il y avait des ulama dans une famille, eh bien tout le monde, toute cette famille-là allait étudier avec ce savant-là. Donc tu retrouves plein de gens de la même famille qui ont le même nom de famille qui ont le même nom, qui ont étudié avec ce cheikh. Ah, j'ai trouvé le charh de Umdat al-Ahkam de Cheikh al-Bassam, de Cheikh Ibn al-Imam Ibn al-Mulaqqin. Ibn al-Mulaqqin, ça s'appelle Al-I'lam bi fawa'id 'umdat al-Ahkam. Al-I'lam bi fawa'id, ça c'est un charh. Non, ça celui-là on va pas l'étudier. Mais il a 11 volumes. 11 volumes pour expliquer ça. Un petit livre que tu peux mettre dans ta poche. C'est parce qu'il y a beaucoup de science dedans. Tu vois que le livre il est petit, mais le contenu de science qu'il y a dedans, il peut remplir des volumes et des volumes. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait jawami al-kalim. C'est-à-dire que il parle peu, mais ça a beaucoup de sens. Exactement. Donc Al-Bassam, il vient de cette famille, qui est une grande tribu, qui fait partie de Bani Tamim. qui est une des familles du Najd qui est la plus célèbre, connue pour ses bonnes qualités. Et ses bonnes qualités, sa générosité et autres. Son père avait une grande maktaba. Il a lu dedans Tafsir ibn Kathir, Al-Bidaya al-Nihaya, Usud al-Ghaba, Al-Aqd al-Farid. Donc il a eu plusieurs livres quand il était petit. Puis après, il a étudié avec le Cheikh Sa'di. Plusieurs livres dans différentes sciences islamiques. Et pendant qu'il lisait avec le Cheikh, il a mémorisé le Coran, Bulugh al-Maram, Nazm al-Waraqat de Al-Imriti, Mukhtasar al-Muqdi' fi al-Fiqh, Qatr al-Nada, Al-Fiyat ibn Malik. Il a mémorisé tout ça. Et il a étudié avec d'autres mashaykh également, d'autres grands ulama. Et parmi ses shuyukh dans le Tawhid, il y avait le Cheikh Abdul Razzaq Afifi, Mohamed Hussein al-Zahabi, Ibrahim Issa, et beaucoup d'autres que je ne connais pas. Parmi ces mashaykh à la Kulliya, il y en a plusieurs qu'il a mentionnés. Également, il y a Cheikh Mohamed Khalil Harras qu'on connaît, et les autres que je ne connais pas nécessairement. Et il y a d'autres mentions aussi, d'autres mashaykh aussi. Donc il a eu beaucoup de pendant sa vie, beaucoup de travail, beaucoup de différents postes et beaucoup de responsabilités. Il a été membre du comité des grands ulama. Il a été enseignant, professeur à la mosquée de la Mecque, le Masjid al-Haram, et il a eu beaucoup d'autres postes aussi. Et il a aussi également fait des séminaires dans différents pays. Naam. Donc on va pas lire tout parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc la lecture du livre. Le premier livre que le Cheikh a cité dans son charh, c'est l'explication de... C'est le hadith, c'est Kitab al-Tahara premièrement, le chapitre au sujet de la purification. Puis c'est le hadith Innama al-A'malu bin-Niyyat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est le hadith Innama al-A'malu bin-Niyyat. Al-hadith al-awwal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Ce hadith, c'est le premier hadith qu'on trouve dans Umdatul Ahkam, et c'est aussi le premier hadith qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari, et c'est aussi le premier hadith qu'on trouve dans Al-Arba'un al-Nawawiyya. Et beaucoup d'entre les ulama commencent leur livre de hadith par ce hadith, parce que c'est un hadith qui touche beaucoup de différents sujets qui ont rapport avec l'intention. Et on sait que la base des actions, c'est l'intention. Donc c'est ça que ce hadith-là explique. Si on le traduit, c'est rapporté selon Amir al-Mu'minin, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, innama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire, les œuvres ne comptent que selon leurs intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et chaque personne n'aura que selon son intention. Les gens n'auront comme récompense pour leurs intentions que selon leur, les intentions ne comptent que selon les actions ne comptent que selon leurs intentions. Les actions ne comptent que selon leurs intentions. Et chacun aura selon, yani aura comme récompense selon ce qu'il a eu comme intention. Il va être rétribué selon ce qu'il avait eu comme intention pour l'action qu'il a faite. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. Donc celui qui a eu une intention de faire la hijra et que son intention c'était de le faire pour Allah, c'est-à-dire pour plaire à Allah, pour chercher l'agrément d'Allah et pour aller vers son messager. Ça c'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Donc le but c'est d'aller faire la hijra pour Allah et en même temps d'aller apprendre la religion et de rester avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était à l'époque. Alors sa hijra sera comptée pour lui comme étant pour Allah et pour son messager. Il aura la récompense selon cette intention là tandis que celui qui a fait la hijra uniquement pour la dunya, pour avoir quelque chose de la vie d'ici bas, pas pour Allah, juste pour la dunya, ou bien pour épouser une femme, alors il aura la récompense selon la chose pour laquelle il a fait sa hijra. C'est-à-dire, ça va être la raison pour laquelle il a fait, donc c'est l'intention qu'il avait, et donc c'est ça ce qu'il va avoir. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Bassam, il explique, rahimahullah, il dit, gharib al-hadith. Premièrement, إنما الأعمال بالنيات كلمة إنما تفيد الحصر فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات يعني ينفي الحكم عما عداه. Donc premièrement, qu'est-ce que Cheikh Al-Bassam explique les mots plus difficiles ou les expressions plus compliquées. Comme par exemple, innama l'amal bin niyat. Innama en arabe, c'est un article qui est employé pour restreindre, limiter quelque chose. Donc quand tu dis innama, ça veut dire c'est uniquement ça, c'est seulement. Hein? C'est dans ce sens-là. Et ici, il dit ça veut dire al-hasr. C'est ça, al-hasr, ça veut dire pour limiter quelque chose. On voit des nouveaux visages ici. Hein? On voit des visages rares. Hein? Masha'Allah. Donc, innama tufidul hasr. Donc, c'est pour limiter. Et ici, c'est pour limiter quoi? Yani, pour limiter qu'est-ce qui a été décrit. Hein? Pour limiter qu'est-ce qui a été mentionné. Donc, c'est pour dire que les actions, innamal a'mal, donc les actions seront seulement comprises selon leurs intentions. Alaykoum salam, les actions seront seulement récompensées selon leurs intentions. C'est comme si tu disais, il n'y a pas d'action sauf par rapport à leurs intentions. Et c'est pour nier le verdict qui, de tout ce qui est en dehors de ce qui a été fait, on est par rapport à l'intention. An-niyya lughatan al-qasd. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention en arabe? An-niyya, ça veut dire al-qasd, c'est-à-dire l'intention. Waqa'a al-ifrad, waqa'a bil ifrad fi akthar ar-riwayat. Wa qala al-Baydawi an-niyya 'ibara 'an inbi'ath al-qalb nahwa ma yarahu muwafiqan li gharad min jalb naf'in أو دفع ضر وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. Donc dans les hadiths, le terme niya, il est utilisé au singulier et aussi au pluriel. Dans certaines narrations, on dit innamal a'malu bin niyat au pluriel, et dans d'autres narrations innamal a'malu bin niya, l'intention au singulier. Et Al-Baydawi, il a donné une définition de ce mot-là. Il a dit c'est qu'est-ce que le cœur recherche, qu'est-ce qu'il veut obtenir, de qu'est-ce qui est une chose bénéfique ou un bien, ou de faire de qui repousse un mal, ou dans le but de repousser quelque chose de mal. Et selon la définition de la charia, c'est d'avoir la ferme volonté, hein, de vouloir quelque chose fermement. Donc tu fais l'adoration avec l'intention ferme de vouloir te rapprocher d'Allah. Après il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى آخِرِهِ مِثَالٌ يُقَرِّرْ وَيُوَضِّحْ الْقَعْدَ السَّابِقَةِ. Donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit alors celui qui a fait la hijra pour Allah et son messager, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, donc c'est pour confirmer la règle qu'il a dit précédemment que les actions ne comptent que selon leurs intentions. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il dit celui qui fait la hijra pour ça, alors c'est pour ça, et celui qui fait la hijra pour ça, c'est pour ça, ça c'est pour confirmer la règle qu'il a dit au début du hadith, que les actions ne comptent que selon leurs intentions. Donc, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ جُمْلَ شَرْطِيَّ. Donc, celui qui a fait la hijra, ça c'est une phrase qui ramène une condition. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, c'est-à-dire sa hijra, ça va être pour Allah et pour son messager. C'est-à-dire qu'il l'a fait pour Allah et pour son messager, c'est la réponse de la condition. جَوَابُ الشَّرْطِ وَاتِّحَادُ الشَّرْطِ والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. Donc c'est ça que ça veut dire. Quand tu dis celui qui fait la hijra pour Allah et pour son messager dans son intention, alors sa hijra va être pour Allah et pour son messager dans la récompense. C'est ça que ça veut dire. Et le معنى الإجمالي, il dit هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه وحيث كثرة الثواب وقلته. Donc le cheikh il dit que ce hadith c'est une règle parmi les grandes règles de l'islam, et c'est la mesure correcte par laquelle on peut, hein, peser la valeur des œuvres pour savoir si elles sont acceptées ou non. Non, l'intention, il ne faut pas l'action. Et même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que si quelqu'un il a l'intention de faire quelque chose de bien, puis qu'il ne l'a fait pas, il a la bonne action qui est écrite. Mais s'il l'a fait, ça va être multiplié, hein, peut-être 10 fois plus. Et tandis que celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, puis qu'il ne l'a fait pas, ça ne va pas lui être écrit. Mais celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais qui l'a fait, eh bien on lui écrit une seule mauvaise action. Donc c'est pour dire que l'intention, qu'il ne faut pas nécessairement l'action. Mais en même temps, tes actions, elles ne vont pas être récompensées que selon leurs intentions. Si elle n'est pas faite pour Allah, ton action ne vaut rien pour Allah. Tandis que si tu l'as fait pour Allah seul, là, c'est là qu'elle sera récompensée. C'est là qu'elle aura une valeur. Ça, c'est pour nous inciter à l'ikhlas, la sincérité, de faire qu'est-ce qu'on fait, mais de le faire uniquement pour Allah. Après, le cheikh dit « فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُخْبِرُ أَنَّ مَدَارَ الْعَمَالِ عَلَى النِّيَّةِ فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله فالعمل مقبول. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous informe de qu'est-ce qui a rapport avec les actions vis-à-vis de leurs intentions. Si l'intention qui est derrière cette action là elle est propre, elle est pure, elle est bonne, alors l'action elle va être faite purement pour le visage d'Allah. Tandis que si l'action, donc si elle est faite purement pour le visage d'Allah, elle sera acceptée d'Allah. Mais si c'est pas le cas, s'il n'est pas fait uniquement pour le visage d'Allah, alors dans ce cas-là, elle est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'accepte pas. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. Ça c'est comme qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith أنا أغنى الشركاء عن الشرك. C'est un hadith قدسي dans lequel يعني الله سبحانه وتعالى il dit je suis يعني celui qui se dispense complètement, qui n'a aucun besoin d'aucun partenaire. Si quelqu'un fait une action, من أشرك من عمل عملا أشرك في أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Celui qui fait une action dans laquelle il va associer quelqu'un d'autre que moi, hein, avec cette action-là, dans cette action-là, je l'abandonne lui ainsi que ceux qu'il m'a donné comme associé. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas du tout. Donc c'est ce que le cheikh mentionne ici. Puis il dit, ثُمَّ ضَرَبَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَثَلًا يُوَضِّحُ هَذِهِ الْقَعِدَةِ الْجَلِيلَةِ بِالْهِجْرَةِ. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une règle. Il a donné un exemple qui explique cette règle en mentionnant la hijra, l'exemple de la hijra. Il a dit فَمَنْ هَجَرَ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ وَطَلَبًا لِلْقُرْبِ مِنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَلُّمِ الشَّرِيعَةِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى سَبِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُثِيبُهُ عَلَيْهَا. Donc celui qui a fait la hijra, il a quitté les pays de shirk, pas comme nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein? On quitte les pays de l'islam pour venir dans les pays de shirk. Ça, c'est pas yani, la hijra. La hijra, c'est de quitter les pays de shirk pour aller dans les pays musulmans. Alors, celui qui fait ça, comme le cheikh il dit ici, avec dans le but de chercher la récompense d'Allah, et il cherche yani, à se rapprocher du prophète, c'est-à-dire lorsqu'il était vivant. Hein, pas aujourd'hui, parce qu'il n'est il est pas vivant. Donc, quand on fait la hijra aujourd'hui, ce n'est pas pour nous rapprocher du prophète, parce que le prophète, il est mort maintenant. Hein, mais on se rapproche, inshallah, des ulama et des musulmans, des héritiers du prophète, c'est-à-dire les hommes de science. C'est-à-dire l'apprentissage de la sharia. Alors, celui qui fait ça, eh bien, sa hijra sera dans le sentier d'Allah. Et Allah va le récompenser comme tel. Hein? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِغَرَضٍ مِنَ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا ثَوَابٌ وَإِنْ كَانَتْ إِلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهِ الْعِقَابُ. Donc le cheikh il dit, mais si sa hijra était pour les intérêts de la dunya, c'est-à-dire il a fait la hijra vers les pays musulmans, mais dans l'intention de la dunya, pour faire de l'argent, travailler ou des choses comme ça, alors il n'aura aucune récompense. Et s'il l'a fait pour faire un péché, son intention c'était de désobéir à Allah, eh bien il aura un châtiment, il sera puni pour ça. Donc ça c'est yani, la question ici. نعم وللنية في الشرع بحثان أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده فهو المعنى الأسمى وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. Donc l'intention dans la sharia, on en parle dans deux sens ou dans deux sujets, deux recherches. Le premier c'est qu'est-ce qui a rapport avec la pureté de l'intention dans l'action, pour qu'elle soit faite uniquement pour Allah. Donc ça, c'est la plus grande signification et la plus importante. Et cette signification-là, c'est les ulama du tawhid qui en parlent. Les ulama du tawhid, les ulama qui enseignent la aqidah et la foi. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. La deuxième, c'est de distinguer les adorations les unes des autres, c'est-à-dire de distinguer par exemple le wudu de la salat, hein, ou bien yani, la salat nafila de la salat wajiba. Tout ça, ça se distingue par rapport à l'intention. Tu distingues l'une de l'autre par rapport à ton intention avant de faire ces actions-là, et c'est l'intention qui détermine donc chacune d'entre elles. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها. فالكتابة القليلة لا تأتيه حقه. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. Donc il dit, donc ça fait partie des hadiths qui sont englobants et généraux, qui traitent de beaucoup de questions en même temps. Et il faut donc lui donner son importance et essayer de faire des efforts pour le comprendre comme il faut. Et d'écrire un peu sur ce hadith-là, c'est pas suffisant. Ça lui donne pas son droit. Et l'imam al-Bukhari, il a commencé par il a commencé son sahih par ce hadith-là. Parce qu'il rentre dans toutes les questions de la science de l'islam et dans chacun de ses chapitres. Tous les chapitres de la religion, il y a un lien avec l'intention dedans. Et avec la sincérité. Et avec l'intention. Donc c'est pour ça que c'est important, yani, de le mentionner en premier. ما يؤخذ من الحديث. Qu'est-ce qu'on tire de points bénéfiques de ce hadith? Et ça, c'est un des points qui est très intéressant par rapport au charf de Cheikh Al-Bassam. C'est que ça, c'est la structure qu'il utilise dans tout le livre. C'est pas juste pour ce hadith-là. Tous les hadiths dans le livre, il suit la même structure. غريب الحديث. Les mots les plus difficiles, il les explique. Il y en a une petite explication courte. Après, المعنى الإجمالي. Le sens général du hadith. Après, il mentionne les points qu'on peut tirer de ce qui a rapport avec le fiqh, les fawa'id al-fiqhiyya. Il les mentionne un après l'autre, en résumé, et puis, après, il passe à l'autre hadith. Donc, ça, c'est tout ce qui a rapport avec cette méthode-là, ce livre-là. Après, donc, le cheikh, il dit, ma yukhadu min al-hadith. اولا ان مدار الاعمال على النيات صحه وفسادا وكمالا ونقصا وطاعه ومعصيه فمن قصد بعمله الرياء اثم ومن قصد بالجهاد مثلا اعلاء كلمه الله فقد كمل ثوابه. Il dit que les œuvres, les œuvres qu'on fait, leur validité ou le fait qu'elles soient pas valables, leur perfection ou leur imperfection, ou le fait qu'elle soit déficiente ou complète, le fait que ce soit une obéissance ou une désobéissance, tout ça, ça tourne autour de l'intention. Toutes ces choses-là tournent autour de son intention. Donc celui qui avait comme intention, lorsqu'il fait une action, que c'était le but de se montrer, par ostentation, il veut se faire voir, il commet un péché. Celui qui fait le djihad, par exemple, il veut élever la parole d'Allah, eh bien, celui-là, il a la récompense complète. Parce qu'il le fait dans le but d'élever la parole d'Allah et pour Allah seul. وَمَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَالْغَنِيمَ مَعَهُ نَقَصَ ثَوَابَهُ وَمَنْ قَصَدَ الْغَنِيمَ وَحْدَهَا لَمْ يَأْثَمْ وَلَكِنَّهُ لَا يُعْطَى أَجْرَ الْمُجَاهِدِ. Il dit, celui qui a donc eu l'intention de faire le djihad pour élever la parole d'Allah, puis en même temps il veut le butin, il veut qu'est-ce qui est laissé par les ennemis, il prend ça. Donc il a moins de récompense que celui qui le faisait que pour le visage d'Allah. Et il dit, celui qui le faisait pour le butin seulement, c'est-à-dire il fait le djihad uniquement pour avoir le butin, il ne commet pas un péché, mais il ne va pas recevoir la récompense de celui qui a fait le djihad, qui est un mujahid, qui a lutté dans le sentier d'Allah. Fal hadith masuqun li bayan kull amal ta'atan kana fi surah aw ma'siyah yahtalifu bi ikhtilaf an-niyat. Donc on voit que le hadith, il est mentionné pour clarifier que chaque action, elle est différente selon son intention. Quelqu'un peut faire une bonne action en apparence, alors qu'en réalité c'est un péché à cause de son intention, comme celui qui fait quelque chose par ostentation, il commet un péché alors qu'en apparence il est en train de faire quelque chose de bien, tandis qu'un autre fait la même action et il a une récompense, tandis que l'autre qui il a la récompense complète, tandis que l'autre il le fait mais il y a un mélange dans son intention n'est pas complète, eh bien sa récompense va être déficiente aussi. Ça c'est le premier point qu'on peut tirer de ce hadith. Le deuxième, أن النية شرط أساسي في العمل لكن بدون غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que l'intention c'est une condition essentielle dans l'action, sauf qu'il ne faut pas exagérer dans le fait de vouloir la, yani, disons, avoir cette intention-là à un point tel que tu vas commencer à, yani, si tu fais des adorations, tu vas le faire d'une façon qui va corrompre ton adoration. Comme par exemple, il y en a qui, avant de faire une action, ils vont prononcer leur intention à haute voix. Et je vais faire deux rakats devant la Kaaba, nafila, avec l'intention de si et ça, yani, ils mentionnent ça à haute voix. Ça fait pas partie de la sunna. En fait, c'est une innovation. Ou bien, il y en a d'autres qui vont tellement exagérer dans la question de niya qu'ils vont avoir plein de wiswas. Ils vont commencer à prier, par exemple, commencer à faire sa salat al-asr, derrière l'imam. Quand il a quitté sa maison, il est venu à la mosquée, son intention c'était de prier l'asr. Il avait cette intention déjà. Mais quand il arrive devant quand il arrive pour prier, hein, il fait Allahu Akbar. Après, quand ça prie, il dit, ah, je me rappelle plus, est-ce que j'ai eu l'intention de faire asr ou non? Ah, là, il sort de sa prière, et là, il recommence encore une fois, Allahu Akbar. Puis là encore, peut-être, il a encore d'autres wiswas. Et j'ai connu quelqu'un comme ça. Il recommençait des fois, ça peut être deux, trois fois. Même des fois, il recommençait son wudu, je ne sais pas combien de fois. Et puis des fois, il manquait la salat à cause de ça. Donc ça, c'est un exemple. Et Cheikh, il dit, celui qui exagère de cette façon-là, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est suffisant d'avoir l'intention dans ton cœur, sans exagérer, hein, et sans essayer de vérifier à chaque fois est-ce que je l'ai ou je l'ai, est-ce que je l'ai eu ou est-ce que je ne l'ai pas eu. C'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est dans le cœur. Tu sais que ton intention c'est ça, ça y est, ça suffit. Le point numéro 3, An-niyya mahalluha al-qalb wal-lafdu biha bid'ah. Le point numéro 3, je l'ai mentionné déjà, mais c'est que la place de l'intention c'est dans le cœur. Et de le prononcer, c'est une innovation, c'est une bid'ah. Donc c'est interdit de faire ça. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. Donc le point numéro 4, l'obligation de prendre garde, de faire attention à ne pas faire des œuvres par ostentation et à ne pas faire des œuvres pour se faire entendre ou pour se faire voir, et de faire des actions pour obtenir quelque chose de la dunya. Il faut que ce soit uniquement pour Allah. Il dit, tant que madame anna shay'an min zalika yufsidu al-ibadah. Si quelqu'un il a du riya ou de la sum'a, ça détruit son adoration. Il n'aura pas de récompense pour son adoration. Le point numéro 5, et c'est l'avant-dernier, il y en a 6 en tout. Wujub li'tina بأعمال القلوب ومراقبتها. Donc, c'est-à-dire l'obligation de prendre en compte les œuvres du cœur ou les actions du cœur. C'est encore plus important que les actions du corps. Donc, de vérifier qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, les actions du cœur, hein, la sincérité, l'ikhlas, hein, l'amour, la crainte d'Allah, l'espoir, tout ça, tawakkul ala Allah. Et de vérifier toujours en toi-même comment tu te sens par rapport à ces actions-là. Ça, c'est très important. Et le point numéro 6, أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله. Que le point numéro 6, c'est que de faire la hijra en quittant les pays des mushrikines, les pays du shirk, vers les pays de l'islam, ça fait partie des meilleures formes d'adoration lorsque elles sont faites avec l'intention de chercher le visage d'Allah et de le faire pour Allah. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est un point que, à notre époque, c'est devenu une fitna pour beaucoup d'entre nous. Et on doit tous faire notre possible et aller pour essayer de s'en aller vivre dans les pays musulmans. On est tous concernés par ça. Peu importe qu'on soit né dans un pays de shirk ou de kufr, ou qu'on soit des émigrants, des gens qui ont quitté les pays musulmans pour venir ici, on a tous la responsabilité d'essayer, par les moyens qu'on a, de s'en aller. Et chacun connaît sa situation, et Allah subhanahu wa ta'ala connaît la situation de chacun de toute façon, et il connaît la sincérité de chacun. Celui qui est capable et qui a les moyens, c'est une situation. Celui qui est incapable, qui n'a pas les moyens, c'est une autre situation. Et chacun, selon sa situation, il a un hukum, il a un verdict. Hein? Et ça, les ulama, ils ont détaillé ça dans les livres. Donc, on en reparlera peut-être une autre fois. Le cheikh, il dit, « Wa fa'ida, dhakara ibn Rajab, anna al-amal li ghayrillahi ala aqsam. Fatartan yakun riya'a mahdan. » لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودافعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته انتهى كلامه بتصرف. Donc le cheikh il explique que Ibn Rajab il a mentionné le fait de faire une action pour autre que Allah, il l'a divisé en catégories. Donc il a mentionné la première catégorie que l'action qui est faite purement par ria, c'est-à-dire purement pour autre que Allah et pour montrer aux autres créatures et pour obtenir quelque chose de la dunya. Il dit ça, ça peut presque pas se produire de quelqu'un qui est croyant. C'est pas possible. Si c'est quelqu'un qui est croyant, il va pas faire quelque chose purement par ria. Et il n'y a pas de doute que ça annule complètement les œuvres. Et que la personne qui le fait, il mérite la colère et le châtiment d'Allah. Et des fois, une action, elle est faite avec du ria dedans. Mais si cette action-là, à la base de cette action, il y avait le ria, avant même de commencer ou en commençant depuis le début, il y avait le ria dedans. Dans ce cas-là, il dit que les textes authentiques indiquent que c'est quelque chose qui rend l'action nulle. Même si à la base, elle était pour Allah. Mais si l'action était faite pour Allah à la base, puis que pendant que la personne est en train de la faire, il y a de l'ostentation qui est rentrée dedans, puis que la personne l'a repoussée, alors dans ce cas-là, ça ne fait pas de tort, hein, parce qu'il l'a repoussé. Il a essayé de l'écarter et de s'en débarrasser. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème selon tous les savants, il n'y a pas de divergence là-dessus. Les savants, par contre, parmi les ulama des salaf, ils ont divergé à propos de la personne qui fait une action pour Allah, puis que pendant l'action, il y a du ria qui rentre dedans, puis que la personne continue avec le ria et ne le repousse pas, est-ce que ça annule son action et ça la rend vaine ou non? Hein? Ou bien est-ce qu'il va avoir l'intention selon la base de son action au début, qu'est-ce qu'il avait comme intention au départ? Et ça, il y a une divergence entre les savants. Et donc ça, c'est la fin de cette parole ou de cette explication de ce hadith. Donc on a terminé avec l'explication du premier hadith. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, donc je suis content qu'on ait pu compléter le charh au complet de ce hadith aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on va faire le adhan et puis on va prier le Isha, Inch'Allah.